la mère d'un jeune homme que je serais peut-être obligé de faire poignarder ce soir même. Sa propre mère, Tibia. Fis donc, je ne reconnais pas là ton habitude et tes convenances. Viens, Tibia. Entrons, logis. Ordonné. A-t-on dit aux musiciens de venir? Oui, madame, ils seront ce soir à vos ordres. Ou pour mieux parler... A-t-on tout préparé, comme je l'ai dit, pour le souper? Oui, madame. Vous direz à mon fils que je regrette de ne pas l'avoir vu. À quelle heure est-il donc sorti? Pour être sorti, il faudrait d'abord qu'il fût rentré. Il a passé la nuit dehors. Mais vous savez ce que vous dites. Il a soupé avec moi hier et m'a ramené à la maison. A-t-on fait porter dans le cabinet d'études le tableau que j'ai acheté ce matin? Ne dirait-on pas que notre maîtresse a 18 ans et qu'elle attend son sigisbé? Du vivant de son père, il n'en aurait pas été ainsi. Mais du vivant de sa mère, il en est ainsi, Malvolio. Songez-y, que Célio ne rencontre pas sur son passage un visage de mauvais augure, qu'il ne vous entende pas grommeler entre vos dents comme un chien de basse-cour, ou par le ciel, pas un de vous ne passera la nuit sous mon toit. Je ne grommelle pas, mon visage n'est pas de mauvais augure. Vous me demandez à quelle heure mon maître est sorti, je vous réponds qu'il n'est pas rentré. Depuis qu'il a l'amour en tête, on ne le voit pas quatre fois la semaine. Et pourquoi ses livres sont-ils couverts de poussière? Pourquoi ces meubles sont-ils en désordre? Pourquoi faut-il que je mette la main à tout dans la maison si je veux obtenir quelque chose? Il vous appartient bien de lever les yeux sur ce qui ne vous regarde pas, alors que votre ouvrage est à moitié fait et que les soins dont on vous charge retombent sur les autres. Allez, et retenez votre langue. Thank you. La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission de Philippe de Chartres. Vous entendrez aujourd'hui Les Caprices de Marianne, comédie d'Alfred de Musset, jouée par la troupe du Théâtre national populaire dans la distribution suivante. Octave, Gérard Philippe. Célio, Roger Mollien. Claudio, Georges Wilson. Marianne, Geneviève Page. Hermia, mère de Célio, Lucienne le Marchand. Ciuta, Zanny Campan. Tibia, valet de Claudio, Jacques Zeller. L'aubergiste, Jean Champion. Les chanteurs André Schlesser, Marc Chevalier, Yves Gasque, Coussonneau, les spadassins Philippe Noiret, Pierre Garin, régie Jean Villard. La tribune libre de théâtre et université réunira autour de Philippe de Chartres, Paul-Louis Mignon, critique dramatique, Marcel Giraudet, José Lupin, professeur de lettres au lycée Lacanal, et Henri Perrard, Jean-Jacques Morlès, élève de première supérieure au lycée Lacanal. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Lorsque Musset écrit Les Caprices de Marianne, des influences diverses jouent en lui. L'élève brillant, lauréat du concours général, le lecteur des romans noirs, le fantaisiste peu respectueux de la convention romantique, le dandy épicurien et joyeux usent encore de la rhétorique du temps. Il a déjà pourtant l'âme abattue et le cœur en sang. Les exaltations, les délires, les ivresses et les tourments ne sont au point des mots pour ce jeune homme dont les amours s'évanouissent et dont les rêves tournent au cauchemar. Et, dans les 3 ou 4 œuvres théâtrales valables qu'il a laissées, nous retrouvons de l'esprit et du style romantique les témoins les plus sincères et les plus purs. Ce n'est pas en effet un divertissement mélodramatique ou formel que Les Caprices de Marianne. C'est plutôt l'image tragique et subtilement recomposée de quelques moments d'une existence vouée à la souffrance et à l'échec. Cette souffrance, cette passion irritée, il n'est pas question que les clairs de lune ou les paysages italiens les apaisent. Les nuits ne sont point encore parfumées et la jeunesse de Musset se grise de chants désespérés. Les Caprices de Marianne sont marqués de la même impuissance métaphysique que Rolla et que Laurent Zaccio. La mise en scène de Jean Villard apporte ce sens précis, sinon nouveau, à l'œuvre de Musset. On a joué Les Caprices devant des rideaux sombres. On l'a joué en changeant 20 fois de décor. Le Théâtre national populaire, sur sa vaste scène, a posé une place plantée d'orangers au feuillage sombre. Des rues descendent jusqu'à la terrasse d'une taverne, quelques tables, quelques chaises de fer. À droite, la grille, le jardin et la maison du procureur Claudio et de sa jeune femme. Nous sommes à Naples. Nous y chercherions en vain des échos lamartiniens. Il y a rêve et rêve. Celui de Musset transpose sur le mode de l'élégie les plaintes de son cœur. Et Jean Villard, redonnant son sens tragique à cette confession de l'enfant du siècle, dans ce décor où la vie bourgeoise triomphe par l'assassinat de la jeunesse et de l'amour, Jean Villard a inclus ce funeste quiproquo dans des entrées et des sorties de carnaval napolitain, qui, comme partout sur la terre, cache sous ses masques froids et ses musiques légères, toutes les folies des hommes et toute la tristesse du monde et de la destinée. Dans Naples, paresseuse et un peu ivre de Lacrima Christi, le jeune Célio aime à la folie et à la mort Marianne. Mais Marianne est vertueuse. C'est le temps du carnaval. Les masques passent, rient et chantent. Et Célio, désespéré, joue la sérénade sous les fenêtres désolément closes de sa belle. Le jeu a ses dangers. Claudio, le vieux mari de Marianne, stupide, puissant et redoutable, rôde avec ses spadassins.

pas soupçonné la force de sa passion pour moi. Lorsqu'on lui apporta ma réponse, il tomba privé de connaissance dans les bras de votre père. Cependant, une longue absence, un voyage qu'il entreprit alors et dans lequel il augmenta sa fortune, devait avoir dissipé ses chagrins. Votre père alors changea de rôle et demanda pour lui ce qu'il n'avait pu obtenir pour Orsini. Je l'aimais d'un amour sincère et l'estime qu'il avait inspirée à mes parents ne me permit pas d'hésiter. Le mariage fut décidé le jour même et l'église s'ouvrit pour nous quelques semaines après. Orsini revint à cette époque. Il vint trouver votre père, l'accabla de reproches, l'accusa d'avoir trahi sa confiance et d'avoir causé le refus qu'il avait essuyé. D'ailleurs, ajouta-t-il, si vous avez décidé ma perte, vous serez satisfait. Épouvanté de ces paroles, votre père vint trouver le mien et lui demander son témoignage pour désabuser Orsini. Hélas, il n'était plus temps. On trouva dans sa chambre le pauvre jeune homme frappé d'un coup d'épée. Il a fini ainsi? Oui, bien cruellement. Non, ma mère. Elle n'est point cruelle, la mort qui met un terme à l'amour sans espoir. La seule chose dont je le plaigne, c'est qu'il s'est cru trompé par son ami. Silvio, qu'avez-vous, mon enfant? Vous détournez la tête. Et vous, ma mère, vous êtes ignoble. Ah, oh, ce récit, je le vois, vous a trop coûté. J'ai eu tort de vous le demander. Oh, ne songez point à mes chagrins, ce ne sont que des souvenirs. Les vôtres me touchent bien davantage. Et si vous refusez de les combattre, ils ont longtemps à vivre dans votre jeune cœur. Non, je ne vous demande pas de me les dire. Et je les vois. Et puisque vous prenez part aux miens, venez, tâchons de nous défendre. Il y a à la maison quelques bons amis. Allons essayer de nous distraire. Tâchons de vivre, mon enfant, et de regarder gaiement ensemble, moi le passé, vous l'ami. Venez, Célio. Donnez-moi la main. Hélas, pauvre jeune homme, il aime plus que jamais. Et sa mélancolie se trompe elle-même sur les desseins qui la nourrissent. Je croirais presque qu'il se défie de vous, de moi, de tout ce qui l'entoure. Non, par le ciel, je n'y renoncerai pas. Je me sens moi-même une autre Marianne. Il y a du plaisir à être entêté. Ou Célio réussira, ou j'y perdrai ma langue. Agirez-vous contre sa volonté? Oui, pour agir d'après la mienne, qui est sa sœur aînée. Et pour envoyer aux enfers Messer Claudio, le podestat, que je déteste, méprise, et apporte depuis les pieds jusqu'à la tête. Je lui porterai donc votre réponse. Quant à moi, je cesse de m'en mêler. Comment, Célio? Tu abandonnes la partie? Que je fasse? Te défies-tu de moi?

la-dé-ri-la-la. Quelle drôle de petite femme. Hey, hola. Apportez-moi ici, sous cette tonnelle, une bouteille de quelque chose. Mais tout ce qui vous plaira, Excellence. Voulez-vous du Lacrima Christi? Soit, soit. Allez-vous-en un peu chercher dans les ruelles d'alentour le seigneur Célio, qui porte un habit noir et un manteau plus sombre encore. Vous lui direz comme ses amis est là qui boit tout seul du Lacrima Christi. Après quoi, vous irez à la grande place et vous m'apporterez une certaine Rosalinde, qui est rousse et qui est toujours à sa fenêtre. Vous savez ce que j'ai dans la gorge? Je suis triste. Comme une procession. Je ferais aussi bien de dîner ici. Marianne est une bégueule. Je ne sais trop ce qu'elle m'a dit. Je suis resté comme une brute, sans pouvoir lui répondre. Voilà le jour qui baisse. Drigue, drigue, quelle nuit que ces vêpres! Est-ce que j'ai envie de dormir? Je me sens tout pétrifié. Cousin Claudio. Vous êtes un beau juge. Qu'entendez-vous par là, Seigneur Octave? J'entends que vous êtes un podestat qui a de belles formes. De langage ou de complexion? De langage, de langage. Votre robe est pleine d'éloquence. Et vos bras sont deux charmantes parenthèses. Soit dit en passant, Seigneur Octave, le marteau de ma porte m'a poulé de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon, cousin plein de science? En y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajoute hardiment plein de respect, Claudio, pour le marteau de ta porte. Mais tu peux le faire peindre à neuf sans que je craigne de m'y salir les doigts. En quelle façon, cousin plein de facétie? En y frappant jamais, cousin plein de causticité. Cela vous est pourtant arrivé puisque ma femme a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes, cousin plein de riposte. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Célio, messager complaisant. Malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, sénateur incorruptible? Par celle de ma femme qui m'a tout raconté, Godeluro chéri. Tout absolument, époux idolâtré. Rien n'est resté dans cette charmante oreille. Il y a resté sa réponse, charmant pilier de cabaret, que je suis chargé de te faire. Je ne suis pas chargé de l'entendre, cher procès-verbal. Ce sera donc ma porte en personne qui te la fera, aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort. Je vivrai heureux sans cela. Puisses-tu le faire en repos, cher cornet de passe 10. Je te souhaite 1000 prospérités. Assure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison. Dors tranquille, comme à l'audience. Monsieur, la demoiselle Rousse n'est point à sa fenêtre, elle ne peut sans à votre invitation. Le diable l'emporte, et toi aussi. Et le monsieur au manteau sombre n'est pas dans les rues d'alentour. J'ai rencontré son laquais qui j'ai dit d'aller le chercher. La peste soit de tout l'univers. Est-il décidé que je souperai seul aujourd'hui? La nuit arrive en poste. Où diable vais-je devenir? Oh, les maudites cloches, quand auront-elles fini de me mener en terre? Bon. Bon, ceci me convient. Je suis capable d'ensevelir ma tristesse dans ce vin.

a-t-il un pouvoir capable de vous toucher? Vous qui savez supplier Dieu, existe-t-il une prière qui puisse rendre ce dont mon cœur est plein? Relevez-vous, Octave. En vérité, si quelqu'un venait, ne croirait-on pas vous entendre que c'est pour vous que vous parlez? Marianne, au nom du ciel, ne souriez pas. Ne fermez pas votre cœur au premier éclair qu'il est peut-être traversé. Êtes-vous sûre qu'il ne me soit pas permis de sourire? Oui, vous avez raison. Je sais tout le tort que mon amitié peut faire. Quand je sais qui je suis. Je le sens, un pareil langage dans ma bouche a l'air d'une raillerie. Vous doutez de la sincérité de mes paroles. Jamais peut-être je n'ai senti avec plus d'amertume qu'en ce moment le peu de confiance que je puis inspirer. Pourquoi cela? Vous voyez que j'écoute. Célio me déplaît, je ne veux pas de lui. Parlez-moi de quelque autre. De qui vous voudrez? Oh, femme, trois fois femme. Célio vous déplaît, mais le premier venu vous plaira peut-être. L'homme qui vous aime depuis un mois, qui s'attache à vos pas, qui mourrait de bon cœur sur un mot de votre bouche, celui-là vous déplaît. Il est beau, jeune, riche, digne en tout point de vous, mais il vous déplaît. Et le premier venu vous plaira. Faites ce que je vous dis. Vous ne me revoyez jamais. Vous êtes bien jolie, Marianne. Et ce petit caprice de colère est un charmant traité de paix. Il ne me faudrait pas beaucoup d'orgueil pour le comprendre. Un peu de perfidie suffirait. Ce sera pourtant Célio qui en profitera. Tu m'as fait demander, mon ami. Eh bien, quelle nouvelle? Attache ce chiffon à ton bras droit, Célio. Prends ta guitare et ton épée. Tu es l'amant de Marianne. Au nom du ciel, ne te dis pas de moi! La nuit est belle, la lune va paraître à l'horizon. Marianne est seule ce soir derrière sa jalousie. Elle consent à t'écouter. Et sa porte est entrouverte. Tu es un heureux garçon, Célio. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Où tu es ma vie, Octave? Où tu es sans pitié? Je te dis que tout est convenu. Sois sans crainte afin qu'on te craigne. Et si elle résiste, prouve-lui qu'il est un peu tard. Une chanson sous sa fenêtre, un bon manteau bien long, un poignard dans la poche, un masque sur le nez. As-tu un masque? Non. Point de masque, amoureux et en carnaval. Ce garçon-là ne pense à rien. Va donc t'équiper au plus vite. Oh, mon Dieu, le cœur me manque. En route, tu n'es pas encore parti. En route, tu m'embrasseras en revenant. En route, la nuit s'avance. Le cœur lui manque, dit-il. Et à moi aussi, car je n'ai dîné qu'à moitié. Pour récompense de mes peines, je vais me donner à souper. Aïlona, Giovanni, Beppo. Thank you. de passer et jetez-vous sur lui dès qu'il sera parvenu à ce bosquet. Monsieur, et s'il arrive par l'autre côté? Comment il vient par l'autre côté? Verrai-je ainsi échouer tous mes plans? Que disent-ils? Cette place étant un carrefour, on peut y arriver de droite et de gauche. Tu as raison, je n'y avais pas songé. Que faire, monsieur, s'il se présente par la gauche? Alors, attendez-le au coin du mur. Au ciel, que j'ai entendu. Monsieur, et s'il se présente par la droite? Attendez un peu. Eh bien, faites la même chose. Comment avertir Octave? Monsieur, le voici qui arrive. Mettez-vous à l'écart et frappez dès qu'il en sera temps. Puisse-t-il être encore temps? Demain, trouvez-vous à midi dans le petit jardin. J'y serai. Ô mort, puisque tu es là, viens donc à mon secours. Octave, traître Octave, puisse mon sang retomber sur toi! Dans quel but, dans quel intérêt tu m'as envoyé dans ce piège affreux? Je ne le puis comprendre. Mais je le saurai, puisque j'y suis venu. Et fût-ce aux dépens de ma vie, j'apprendrai le mot de cette horrible énigme. Sur tes tablettes, Dieu juste, que cette nuit doit m'être comptée dans ton paradis. Est-ce bien vrai qu'un paradis? En vérité, cette femme était belle. Et sa petite colère lui allait bien. D'où venait-elle? C'est ce que j'ignore. Souffler une maîtresse à son ami, c'est une rêverie trop commune pour moi. Marianne ou tout autre, qu'est-ce que cela me fait? La véritable affaire était de souper. Il est clair que Célio est à jeun. Comme tu m'aurais détesté, Marianne, si je t'avais aimé. Comme tu m'aurais fermé ta porte. Comme ton bélitre de mari t'aurait paru un Adonis, un Sylvain en comparaison de moi. Où est donc la raison de tout cela? Pourquoi la fumée de cette pipe va-t-elle à droite plutôt qu'à gauche? Voilà la raison de tout. Fou, trois fois fou, allié, celui qui calcule ses chances, qui met la raison de son côté. La justice céleste tient une balance dans ses mains. La balance est parfaitement juste, mais tous les poids sont creux. Dans l'un, il y a une pistole, dans l'autre, un soupir amoureux. Dans celui-là, une migraine, dans celui-ci, il y a le temps qu'il fait. Et toutes les actions humaines s'en vont de haut en bas, selon ces poids capricieux. Où est la raison de tout cela? La raison de tout, c'est la fortune. Il n'y a cœur et malheur en ce monde. Célio n'était-il pas désolé ce matin? Et maintenant? À moi! Qu'ai-je entendu? Quel est ce bruit? C'est la voix de Célio. Ouvrez! Ouvrez, je enfonce la grille! Que voulez-vous? Oui, Célio. Je ne pense pas que son habitude soit de coucher dans cette maison. Si tu l'as assassiné, Claudio, prends garde à toi. Je te tordrai le cou de ses mains, te voilà! Êtes-vous fou ou somnambule? Cherchez dans ce jardin. Je n'y ai vu entrer personne, et si quelqu'un l'a voulu faire, il me semble que j'étais en droit de ne pas lui ouvrir. Tout est-il fini comme je l'ai ordonné? Soyez à repos, monsieur. Ils pourront chercher tant qu'ils voudront. À présent, songeons à ma femme et allons prévenir sa mère. Cela est bien certain. J'ai bien vu. J'ai bien entendu. Derrière la maison, à travers les arbres, j'ai vu deux ombres dispersées, se joindre tout à coup et fondre sur lui. J'ai entendu un cri étouffé, le plus sinistre, la dernière appel. Octave, est-ce vous? C'est moi, Marianne. Célio n'est plus. Célio, dites-vous. Il n'est plus. Oh, ciel. Il n'est plus. N'allez pas par là. Où voulez-vous que j'aille? Il faut partir, il faut fuir. Claudio sûrement n'est pas dans la maison. Non, ils ont pris leurs précautions et m'ont laissé prudemment seule. Je le connais, je suis perdue. Et vous aussi peut-être. Partons, ils vont revenir tout à l'heure. Partez si vous voulez, je reste. S'ils doivent revenir, ils me trouveront. Et quoi qu'il advienne, je les attendrai. Je veux veiller près de lui dans son dernier sommeil. M'abandonnerez-vous? Savez-vous à quel danger vous vous exposez? Et jusqu'où peut aller leur vengeance? Regardez là-bas, derrière ces arbres, cette petite place sombre au coin de la muraille. Là est couché mon seul ami. Quant au reste, je ne m'en soucie guère. Pas même de votre vie? Pas même de cela. Regardez là-bas. Moi seul au monde, je l'ai connu. Posée sur sa tombe, une urne d'albâtre couverte d'un long voile de deuil, ce sera sa parfaite image. C'est ainsi qu'une douce mélancolie voilait les perfections de cette âme tendre et délicate. Elle eût été heureuse, la femme qu'il eût aimée. L'aurait-il défendu si puisqu'elle avait couru un danger. Oui, sans nul doute, il l'aurait fait. Lui seul était capable d'un dévouement sans bornes. Lui seul eût consacré sa vie entière à la femme qu'il aimait, aussi facilement qu'il a bravé la mort pour elle. Et vous, Octave, ne le feriez-vous pas? Moi, je ne suis qu'un débauché sans cœur. Je n'estime point les femmes. L'amour que j'inspire est comme celui que je ressens, l'ivresse passagère d'un songe. Ma gaieté n'est qu'un masque. Mon cœur est plus vieux qu'elle. Sa mort n'est point vengée, je ne suis qu'un lâche. Comment aurait-elle pu l'être? Célio m'aurait vengé si j'étais mort pour lui comme il est mort pour moi. Son tombeau m'appartient. C'est pour moi qu'ils avaient aiguisé leurs épées. C'est moi qu'ils ont tué. Adieu la gaieté de ma jeunesse, l'insouciante folie, la vie libre et joyeuse au pied du Vésuve. Adieu les bruyants repas, les causeries du soir, les sérénades sous les balcons dorés. Adieu Naples et ses femmes, les mascarades à la lueur des torches, les longs soupers à l'ombre des forêts. Adieu l'amour et l'amitié. Ma place est vide sur la terre. En êtes-vous bien sûr? Octave, pourquoi dites-vous adieu l'amour? Je ne vous aime pas, Marianne. C'était Célio qui vous aimait.